Pascal agita la main tandis que les feux arrière de la voiture d'Aurore s'éloignaient dans l'allée. La nuit tombait tôt désormais, accompagnée d'un froid pénétrant qui donnait un avant-goût de l'hiver. Malgré son pull irlandais à col roulé, Pascal frissonna et se dépêcha de rentrer, tout en se demandant où Georges Mattei allait emmener dîner Aurore. Pour ce premier tête-à-tête, il s'était donné rendez-vous au Père Louis, un bar à vin de la rue des Tourneurs, dans le centre de Toulouse. Dommage de refaire la route, mais Aurore avait tenu à revenir pour se changer et se laver les cheveux. Nullement angoissé par la perspective de rester seul, Pascal avait décidé d'en profiter pour ranger la bibliothèque. Comme son père à l'époque, elle y avait installé son bureau, mais les papiers s'accumulaient en désordre et certains cartons de livres venant du garde-meuble parisien n'étaient toujours pas déballés. Elle commença par donner un bon coup de plumeau sur les rayonnages de bois blond, sans doute du merisier, en réfléchissant à un ordre de rangement. La littérature générale sur le grand mur du fond et les ouvrages scientifiques près d'elle, à portée de main, afin de rafraîchir ses connaissances pour rester incollable face aux perfides devinettes de Nadine Clément. Celle-ci avait ravalé sa colère la veille, se désintéressant de Pascal lors de la visite. Mais la question demeurait, pourquoi une telle hargne ? Penchée au-dessus d'un carton ouvert, elle lut les titres avec un pincement au cœur. Cela, Sam les lui avait offerts après son opération de l'appendicite. Un bon prétexte pour revenir la voir et s'asseoir 10 minutes au bord de son lit. Elle se souvenait très bien de la manière dont il l'avait regardée ce jour-là, éperdue et incrédule. Un craquement sec au dehors la fit sursauter. Elle se redressa, aux aguets le cœur battant, et crut entendre une sorte de grincement. Les vitres des deux portes-fenêtres étaient noires. Elle ne pouvait rien distinguer de ce qui se passait dans le parc. Machinalement, elle chercha un objet quelconque pour se défendre au besoin et saisit le coupe-papier posé sur son bureau. Un geste dérisoire qui lui permit néanmoins de recouvrer son sang-froid. Sans lâcher son arme de fortune, elle traversa la pièce d'un pas résolu, tourna la crémone de la première des portes-fenêtres et ouvrit brusquement. « N'ayez pas peur, ce n'est que moi !» lança une voix rauque. « Monsieur Lestrade ?»« Lucien, je vous ai déjà dit. » Il apparut dans la flaque de lumière émanant de la bibliothèque, traînant les pieds. Son pantalon de velours était taché de terre à la hauteur des genoux. Toujours sur la défensive, Pascal le toisa avec méfiance. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Bah, je travaillais, tiens. »« Dans l'obscurité. »« Non, maintenant je range mes outils. La nuit tombe trop tôt. »« Mais enfin, s'indigna-t-elle. De quel droit entrez-vous chez moi ? Nous nous sommes déjà expliqués, Lucien. Je ne veux pas que vous... »« Oui, seulement vous ne faites rien. Rien du tout. » « Il y a des mauvaises herbes partout, des feuilles mortes, des fleurs fanées en pagaille. »« Et alors ?»« Alors ? Bon sang, vous ne comprenez donc pas ?» Très agitée, il fit deux pas dans sa direction, et d'instinct, elle recula, serrant plus fort le coupe-papier entre ses doigts. « Pardon, » dit-il en s'arrêtant net, « je ne voulais pas vous effrayer. »« Pas vous, surtout pas vous. Je m'en vais tout de suite, je reviendrai demain. »« Non, s'il vous plaît, Lucien, ne revenez pas. » « Je ne ferai pas de bruit. Je n'ai besoin que d'un sarcloir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'argent. Je ne m'approcherai même pas de la maison, si vous préférez. » Son obstination avait quelque chose de bizarre, d'affolant. Pascal n'osa pas le contredire. Pourtant, elle ne voulait plus le voir traîner à Pérols. Il disparut dans l'ombre et dut récupérer sa brouette, car elle entendit de nouveau le grincement. « Je vais l'agresser !» cria-t-il. Elle attendit quelques instants, dépitée de n'avoir pas su se montrer plus ferme. Puis elle rentra. Elle remit le coupe-papier inutile sur son bureau, prête à l'oreille, en vain. Était-il enfin parti ? Angoissée, elle traversa toute la maison jusqu'à la cuisine, allumant les lumières sur son passage. Le culot de Lestrade l'exaspérait, d'autant plus que, effectivement, le parc semblait à l'abandon. Toutefois, lorsqu'il venait y passer un moment, il se livrait à un travail de fourmi dont le résultat n'était guère visible. Que faisait-il exactement ? Elle se promit de consacrer tout son prochain week-end à ratisser, car si elle voulait se débarrasser de Lestrade, il fallait qu'elle commence par mettre de l'ordre et lui prouver ainsi qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais pourquoi suis-je obligée de faire ça ? De quoi se mêle-t-il ? Que lui avait-il dit 2 semaines plus tôt ? J'ai promis. Un pari ? Un serment ? À qui ? Elle n'avait aucun moyen de le savoir, Lestrade ne répondant pas aux questions directes, ni aux injonctions de se tenir à distance. Une impression de malaise submergea Pascal. Une fois de plus, elle eut envie d'appeler son père, de crier au secours, d'exiger l'explication de tous ces mystères. Malheureusement, il était le premier à en faire. Dès qu'il avait été question de Pérol, il s'était montré hostile, sans pouvoir opposer une seule raison valable au désir de sa fille. D'un geste impulsif, elle prit le téléphone, commença à composer le numéro de son père, mais se ravisa et fit celui d'Adrien. Il décrocha au bout de 6 sonneries, la voix pâteuse. « Je te dérange ?» s'excusa-t-elle. « Non, non, toujours heureux de t'entendre, petite sœur. » Quand il l'appelait ainsi, c'est qu'il n'était pas seul. « Je ne vais pas t'embêter longtemps. Je voudrais juste que tu répondes à 2 ou 3 questions. Tu participes à un jeu ?» Elle perçut distinctement le bruit de son briquet. Puisqu'il allumait une cigarette, il n'était pas trop pressé. « Je suis sérieuse, Adrien. D'abord, te souviens-tu de la raison exacte qui a poussé papa à quitter Pérol ? Tu avais 20 ans. Tu dois savoir des choses que j'ignore. » « Eh bien, il rêvait de la région parisienne. Il finissait par étouffer en province. » Et puis maman dépérissait, elle parlait de moins en moins et ne s'intéressait qu'à ses fleurs. Ça finissait par inquiéter papa. Les fleurs représentaient sans doute, pour leur mère, un moyen de s'évader. Pascal songea à ce panier plat dans lequel étaient couchées les roses à longues tiges ou les lys. Entre l'obsession de Camille pour ses plates-bandes et les idées fixes de Lucien Lestrade, existait-il un quelconque rapport ? À ton avis, Ad, pourquoi y a-t-il autant de mobilier stocké au grenier ? La maison était destinée à être louée. Les parents auraient pu vendre sur place ce qu'ils n'emportaient pas à Saint-Germain, non ? Maman était assez sentimentale avec les objets, tu t'en souviens sûrement. Elle a décrété que les locataires n'auraient pas besoin du grenier et qu'ils seraient condamnés. Comme ça, elle a pu y entreposer ce dont elle ne voulait pas se séparer. J'ai grimpé cet escalier un nombre de fois incalculable. Elle me disait de monter ceci, cela. Quand je pense que tu t'amuses à tout redescendre avec ta copine Aurore. À propos, comment va-t-elle ? Bien ! Elle est partie dîner à Toulouse en compagnie d'un charmant garçon. « Dommage. Pour qui ? Pour toi ? Tu es à 700 km, Adrien. Ne t'occupe donc pas d'Aurore. Explique-moi plutôt les raisons de vos réticences à papa et à toi quand j'ai voulu acheter Pérol. Maintenant que c'est fait, le sujet n'est plus tabou, j'imagine. »« Il ne l'a jamais été ?» protesta Adrien. Elle l'entendit souffler bruyamment la fumée de sa cigarette, comme pour souligner sa désapprobation. Puis il laissa passer un petit silence avant de reprendre. « D'une part... « Ce n'était pas très chic de t'en aller juste après le décès de maman. D'autre part, cette maison ne porte pas vraiment bonheur. Papa le prétend aussi. Pourtant, nous y avons été très heureux, si ma mémoire est bonne. Toi peut-être, mais lui non. L'incendie où ma mère, enfin la première, a brûlé vive est un souvenir odieux pour lui. Il a eu beau faire raser les décombres de l'atelier, il n'a pas oublié. Tout l'automne, les hibiscus mauves avaient fleuri à cet emplacement. » Pascal y pensa avec un frisson désagréable. Il aurait pu vendre à ce moment-là, si c'était insupportable pour lui. À qui ? Les gens auraient eu vite fait de baptiser Pérol maison du drame, maison maudite, et il n'y aurait pas eu preneur. J'étais tout petit, il n'allait pas partir à l'aventure avec un gamin en bas âge. Bon, admettons, mais ensuite, il n'y a pas eu d'autre drame que je sache. Nouveau silence, nouveau soupir, puis Adrien reprit. Écoute, ma puce. Je crois que papa a eu de gros soucis avec maman. Il le cachait de son mieux. Seulement quand il a décidé de quitter Pérol, il en avait soupé. Une ou deux fois avant le départ, il m'a parlé. Il mettait en avant mes études, prétextant que rien ne valait la fac de médecine de Paris, des trucs comme ça. En réalité, il se faisait un sang d'encre pour maman. Pourquoi ? Elle n'était pas encore malade à l'époque. Pas malade, mais tellement triste. Mutique, anorexique. D'après lui, vivre à Pérol la desséchait. L'envie de révéler à Adrien l'existence du vieux livret de famille fut soudain tellement forte que Pascal dut se mordre la langue. Son père et son frère avaient toujours été très proches, complices, et Adrien devait connaître des événements qu'on avait tués à la petite fille qu'elle était alors. Je regrette de ne pas avoir interrogé maman davantage. Je me suis aperçu que je ne savais quasiment rien d'elle. Et toi ? Savoir quoi, s'étonna Adrien. Sa jeunesse, sa famille ? Elle avait tiré un trait. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui te prend ? La voix d'Adrien s'était brusquement durcie. Il devait en avoir assez de cette conversation. Pascal se souvint qu'il n'était probablement pas seul. Si tu veux, proposa-t-elle, je te rappellerai demain. Nous avons épuisé le sujet, non ? À présent, il s'énervait, pressé d'en finir. Téléphone plutôt à papa. Moi, tout ça ne me passionne pas. Allez, il est tard. Je t'embrasse, petite sœur. Déçue, elle prit congé à son tour et raccrocha. Adrien ne s'était pas montré très compréhensif, mais il ne devait rien comprendre à ce flot de questions. Si elle avait mentionné le livret de famille, Comment aurait-il réagi? Et pourquoi se taisait-elle? Pourquoi ne faisait-elle pas confiance à son frère? Depuis qu'elle avait découvert le premier mariage de sa mère et la naissance de cette Julianne Nan, elle voulait trouver seule la vérité. Seule, c'est-à-dire sans qu'on la ménage ni qu'on lui mente. Debout devant le téléphone, elle réfléchit encore quelques instants, puis elle se fit un café instantané qu'elle emporta dans la bibliothèque, où les lumières étaient restées allumées. Négligeant les cartons de livres à moitié déballés, elle brancha son ordinateur portable et se connecta à Internet. Il existait au moins une chose toute simple, à laquelle elle pouvait obtenir une réponse immédiate. Elle parcourut plusieurs sites avant de tomber sur ce qu'elle cherchait. Les prénoms féminins désignent en général la beauté. Les prénoms simples consistent toujours en un seul mot, monosyllabique. La préférence des Asiatiques pour les prénoms composés leur permet de donner une signification plus riche. Le prénom d'un enfant exprime le plus souvent le rêve des parents. Elle fit défiler sur l'écran la longue liste de prénoms jusqu'à la lettre N et découvrit que Nan signifiait sans souci. Julia sans souci. Ouvrant le tiroir de son bureau, Pascal prit le livret de famille et le feuilleta. Sa mère Camille s'appelait aussi Wang Lan, c'est-à-dire parfum d'orchidée. Et la mère de Camille se prénommait Han Dao, à savoir fleur de cerisier. Des fleurs, toujours des fleurs. Sauf cette petite Julia sans souci. Était-ce le profond désir de Camille que son bébé ne connût pas le moindre souci? En déclarant sa première fille, elle avait jugé bon de lui adjoindre un prénom vietnamien, alors qu'elle s'était abstenue pour Pascal. Pourquoi, au moment de la naissance de Julia, avait-elle repensé à ses origines, à sa propre mère, Han Dao, à ce lointain pays d'où elle venait? Avec un soupir découragé, Pascal ferma l'ordinateur. Pendant un moment, elle se contenta de prêter attention au silence qui l'entourait. Puis elle tendit la main vers l'enveloppe arrivée le matin même, en provenance de la mairie du 12e arrondissement de Paris. Ainsi qu'elle l'espérait, qu'elle le savait tout au fond d'elle-même, Julianne Nan Coste n'était pas décédée. Elle glissa l'enveloppe dans le livret de famille et remit le tout au fond du tiroir. Une recherche effectuée sur l'un des Minitel de l'hôpital lui avait appris qu'il existait un très grand nombre de Coste dans le département. Mais peu importait. Elle retrouverait la trace de Raoul. Par ailleurs, elle pouvait contacter la famille de sa mère. C'est Montag que Camille avait rejeté en bloc. Fatiguée, elle se leva, s'étira. Elle ne comptait pas attendre Aurore. D'ailleurs, elle espérait que son amie rentrerait tard, signe d'une bonne soirée en compagnie de Georges Mattei. Elle regagna la cuisine où elle se prépara des œufs brouillés avec des toasts. Pourquoi Laurent Villeneuve ne l'avait-il pas encore invité à déjeuner? Parce que sa position de directeur du CHU le lui interdisait? Ou par égard pour son ami Samuel? Leur arrivait-il de parler d'elle lorsqu'ils étaient ensemble? L'idée que Sam puisse se sentir des droits sur elle avait quelque chose d'agaçant et d'attendrissant. Alors qu'elle finissait de laver la poêle, une porte claqua dans les profondeurs de la maison la faisant sursauter. Avait-elle laissé une fenêtre ouverte quelque part? Elle coupa l'eau, posa la poêle sur la paillasse et écouta. Dehors, le vent s'était levé et soufflait fort, en rafale. La sensation de malaise éprouvée 2 heures plus tôt l'étreignit de nouveau. Jusque-là, elle s'était sentie bien à Pérole, pas du tout impressionnée par les dimensions de la maison qu'elle connaissait par cœur, ni par son isolement. Alors pourquoi avait-elle peur soudain, d'un simple courant d'air? Elle se força à respirer lentement pour se calmer. Puis elle entreprit un tour du rez-de-chaussée. Tout était clos, aucun carreau cassé, rien d'anormal. Elle monta au premier, et du palier vit que la porte de la chambre d'Aurore était close, ce qui n'arrivait jamais. Après une seconde hésitation, elle l'ouvrit. Il faisait froid dans la pièce. Quelques feuilles mortes jonchaient déjà le parquet, et le bâton d'une des fenêtres claquait. L'explication était là, sous ses yeux, toute bête. Pourtant, Pascal frissonna et dut surmonter son angoisse avant de pouvoir aller fermer. Le bruit du vent s'estompa aussitôt. Cependant, il semblait toujours cerner insidieusement la maison. Réfugié dans sa propre chambre, Pascal resta un long moment assise au pied de son lit, l'oreille tendue. Elle n'était pas très impressionnable. Elle avait vécu des nuits de garde angoissantes dans des cliniques désertes, ou encore des paniques mémorables lors de ses premiers vols en solo aux commandes d'un avion. À 32 ans, elle savait gérer ses émotions et conserver son sang-froid. Néanmoins, elle ne parvenait pas ce soir à chasser son anxiété. Une fois sous sa couette, les 2 lampes de chevet allumées, elle essaya en vain de se détendre. La pluie frappait maintenant ses carreaux, poussée par les bourrasques du vent déchaîné. et le tablier de fer de la cheminée d'angle vibrait à intervalles réguliers. Je ne veux pas me sentir mal à Pérols. Je suis chez moi. Je suis à l'abri. Elle répéta plusieurs fois la phrase, à voix basse puis plus haut. Mais ce fut seulement en entendant la voiture d'Aurore rouler sur les graviers de l'allée 2 heures plus tard qu'elle poussa enfin un long soupir de soulagement.